Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en direct, et puis l'absence du Freaky Mix, de Alex et de son Freaky Mix nous permet du coup d'attaquer ce soir dès 20h. On est ensemble pour 2h, 2h30 d'émission en direct avec plein de contenu super cool, et l'occasion d'avoir les focus pour ce soir. On a le droit de dire combien il y en a ? Il y en aura 3. Voilà, et puis au niveau des nouveautés, on retrouvera les Allemands de Slope, qu'on a pu apprécier sous le chapiteau de Ocar l'année dernière. Spectral Voice, Morbid Saint, Nemesis, et un autre que je me garde plus tard pour la prononciation, parce que là je suis pas encore en forme. Voilà, pour les quelques nouveautés qu'on s'égrènera tout au long de l'émission de ce soir. Et parlons des nouveautés avec une doublette de nouveautés d'ailleurs, Morbid Saint et Slope. Morbid Saint, tout d'abord, c'est du trash, c'est assez old school, hein, ça nous vient des États-Unis, formé au début des années 80. Ça parle de la mort, de l'enfer et de Satan. Voilà, le groupe a sorti un premier album en 90 avant de complètement disparaître des radars. Après 2010, reformation, un second album en 2015, et Swallowed by Hell vient tout juste d'être sorti, une sortie High Roller Records. Voilà, l'album est sorti au tout début du mois de février. On s'écoutera le morceau Rise from the Ashes, littéralement à l'image de l'histoire du groupe. Slope, ensuite, donc venu d'Allemagne, on est sur du hardcore fusion. C'est extrêmement riche ce qu'il nous propose, bourré d'énergie. Premier album était sorti en 2021, Freaky Dreams vient de sortir en 2024. Une pochette à l'image de la musique de Slope. Une douzaine de morceaux, donc de leur hardcore toujours dynamique, groovy, fuzzy, funky. Century Media, c'est leur écurie, et on s'est contre le Chasing Eyes. Sur ce, c'est parti, bienvenue dans l'émission. Suffering down. Voilà donc pour la doublette d'ouverture du ce soir. On enchaîne avec la doublette à venir, Soulbrood et Dissimulator. Un nom qui veut dire beaucoup de choses. Soulbrood, tout d'abord, ça nous vient du Danemark. On est sur du black, un black metal assez onirique. Soulbrood nous sort son nouvel effort studio. C'est le quatrième, sobrement intitulé Fort. 4, mais en danois, je maîtrise pas suffisamment bien la langue. Deux titres instrumentaux, quasiment 50 minutes de musique sur la première partie de l'album, et c'est un très généreux double album, puisque sur la seconde partie de l'album, et ben c'est pareil, on est un peu plus de 45 minutes de musique. Voilà, très, très ambitieux, très généreux ce nouvel effort de Soulbrood. On s'écoutera le morceau Aske, et en doublette avec eux, Dissimulator. On est sur du Technical Trash Death, ça nous vient de Montréal au Québec, on est sur du même Sci-Fi Tech Death. Lower From Resistance, c'est le nom de leur premier véritable album studio, avec une pochette à faire pâlir Giger et même une espèce d'ambiance à la Fantomas Orange Mécanique. Ce nouvel effort studio est dispo chez 20 Buckspin Records, ça doit être une des sorties les plus soft qu'ils ont pu nous proposer récemment. Hyperline Underflow, c'est le morceau que l'on s'écoutera pour Dissimulator juste après Soulbrood. Yeah. We'll be right back. 20h25 à la pendule de Radio Béton, on va attaquer le premier focus de l'émission de ce soir. Et c'est donc l'occasion de retrouver l'ami Thibaut pour les présentations. Salut! Et salut, bonsoir à toutes et à tous. On s'intéresse à un groupe qui nous vient des États-Unis et plus précisément de Portland. Un groupe formé en 2013, les très délicats et extrêmement joviaux de chez Vitriol qui nous sortent leur second album. Il nous propose, dans les grandes lignes, un death extrêmement froid et extrêmement sombre, d'une cordialité qui est toute relative. À l'origine, il faut savoir que c'était un groupe de deathcore qui s'appelait Those Olay Benes. Ils ont sorti un album studio en 2009 qui s'appelle Unawakening. C'était du death, donc on est au milieu des années, on est des années 2010, hein, donc c'est du deathcore. Mais pas du tout dans la vague moderne et tout ça. Il y a quelque chose de déjà très dense, très sombre, un peu technique qui va se dégager de cet album. Et c'est pas surproduit du tout. Justement, la grande mode dans les années 2010, on a eu du deathcore qui était surproduit dans leur, avec un son qui se voulait très numérique. Et là, pas du tout. Il y a quand même quelque chose de très très froid qui s'en dégage. Et c'est cru et ça va créer un petit peu les prémices de ce que va devenir Vitriol. On a quand même derrière Vitriol, il y a eu, c'est un gros line-up derrière, dans le sens où on a quand même des groupes, des membres du groupe qui sont assez expérimentés. On a notamment dans le line-up actuel, donc pas un débutant, on a Mike Kiner, qui est l'actuel batteur de Gorgasme, qui a fait des sessions en 2022-2023 dans Vitriol, et qui a intégré le groupe récemment, là, en 2023. Et en termes de jeu, donc voilà, t'as parlé de Nissing qu'on a diffusé, et il a fait des sessions live chez Cerebral Incubation et Splattered, voilà, des groupes de slam, il a aussi cogné chez Putridity, voilà, ouais. Pas très cordial tout ça. Ouais, ouais, tout à fait, avant ça, du coup, t'as eu un autre mercenaire, enfin t'as un mercenaire qui a bossé quand même à la batterie pendant un an également, on a Jason Westmoreland, qui alors lui, actuel The Faceless, session chez Fallujah, Oceano, Whitechapel, et surtout, on fait le lien avec Hate Eternal, où il a cogné également en tant que batteur session... il est ex-batteur de Hate Eternal, pardon. Et je fais le lien avec ce groupe-là, parce que les influences de Vitriol, le travail de Hate Eternal, est largement une influence, je pense, pour le groupe. On en parlait un peu en off, hein, pour définir Vitriol. Moi, je les mets quelque part, voilà, Hate Eternal. On a du Cattle Decapitation, il y a du Alnanatrak pour moi dedans aussi, dans ce côté vraiment ultra massif, ultra oppressant dans ce qu'ils proposent. Toi, tu avais d'autres noms tout à l'heure que tu mettais un peu dans... pour le définir. Bah les vieux albums en termes d'approche de Cryptopsy et autres, Rivers of Nihil. Oui, complètement, ouais. Et donc voilà, un petit peu pour dresser le cadre de Vitriol. Ils ont sorti un album en 2019, The Bass from the Source of Cowardice. Un premier album qui avait fait sensation à sa sortie. Enfin, nous deux, on avait pris une très très belle branlée. Ah, une énorme claque à ce moment-là. Ouais. T'es sur quelque chose de très très cru, d'ultra violent, c'est sombre et surtout c'est étouffant. Vraiment, la définition du groupe, c'est t'en prends plein la tête pendant tout le morceau. Et c'est riche, mais c'est éprouvant à écouter. Ouais, ouais, et puis l'album est une énorme tenaille entre deux tubes que sont le titre d'ouverture Parting of a Neck et Pen Will Defend the Death. Pen Will Defend the Death, qui clôture l'album, et on est là sur deux morceaux absolument extraordinaires, et au milieu, il n'y a absolument rien à jeter. Tout à fait. Et bah, justement, on s'en écoute un petit morceau, peut-être ? Mais c'est avec un grand plaisir comme que ça, l'on va effectivement s'en écouter. On pourra faire un peu de comparaison entre donc, ce premier album et l'album qui vient de sortir. Tu as choisi le titre ? J'ai choisi le titre A Drone 90. C'est un morceau, justement, tu parlais du début et de la fin. Là, on est vraiment au milieu de l'album. Et voilà, c'est juste histoire de que vous puissiez avoir une petite comparaison entre le travail de ce premier album et celui qui vient de sortir, qu'on écoutera juste après. C'est parti, Vitriol. We'll be right back. fin du déluge, avant le prochain, histoire de se faire un petit break dans ce focus consacré à Vitriol. Et tout à fait, prenez une grande bouffée d'air avant le morceau suivant. Donc c'est ce nouvel album qui vient de sortir, il s'intitule Suffer and Become. Il est accompagné d'un artwork que je trouve splendide, vraiment, vraiment réussi. Bon, moi, c'est un style auquel je suis réceptif. Et là, je le trouve vraiment réussi. Il est signé de la main de Dylan Humphries. Et bah, pour le coup, c'est un peu un illustre inconnu, parce qu'il n'a rien derrière, hormis le fait qu'il a bossé à l'époque sur le premier album de Vitriol, justement, où il a fait le logo de l'album. Non, même pas le logo du groupe, on est vraiment sur le logo de l'album. Et là, il nous pond une pièce superbe. Très sombre, mais avec des couleurs très claires. Tout à fait. Elle est vraiment lumineuse et rayonnante, cette artwork. Ouais, complètement. Et si j'ai bien suivi, le gars qui fait ça, il est vendeur dans un shop de guitare en Angleterre. Ok. Voilà, donc rien de... Vraiment, il sort de nulle part et il nous pond une œuvre de cette qualité. Donc je tenais à le souligner parce que c'est du très très bon travail. Et du côté de l'album, on est sur quelque chose d'encore plus massif que ce qu'on vient d'écouter. Il y a quelque chose d'encore plus... donc moins incisif, du coup ça siffle un peu moins, c'est moins grinçant à l'oreille. Mais ça rend quelque chose de beaucoup plus rampant et tout en gardant cette espèce de texture très crue et ultra violente que proposait Vitriol sur le premier album. Et ça respire zéro. On en prend plein la gueule pendant toute la durée de l'album. C'est étouffant. Et même la piste instrumentale est d'une violence incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est même les... Y a pas de pause. Vraiment, tu t'en prends. Et comme je le disais sur le premier album, c'est éprouvant à écouter. Vitriol, l'album, il s'écoute... tu peux l'écouter d'une traite, c'est pas le problème. Mais vraiment, t'es rincé en l'écoutant. Et du coup, il a peut-être le côté un petit peu moins charnel que le premier avait, quelque chose de moins cru. Enfin, cru. C'est pas forcément cru, c'est vraiment ce côté un peu plus massif, du coup, qui rend le tout moins primitif dans l'approche. Mais ça reste... Est-ce que j'ai préféré le précédent album ? Ouais, je crois que j'ai quand même préféré l'album précédent. Mais celui-ci, c'est une tuerie également. Et vraiment une grosse, grosse claque pour ma part. Et de ce retour, d'arriver à proposer quelque chose de nouveau, tout en gardant cette texture ultra vénère qu'ils avaient proposé sur leur premier album. Ouais, on est loin du death metal qu'on a l'habitude de s'écouter au quotidien, on va dire, et même de diffuser là avec vraiment cette agressivité. Cette froideur dans leur death metal. Et pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de les voir sur scène. Bah également, du coup pareil, on espère pouvoir les croiser. De souvenir où on avait essayé d'aller les voir à un Hellfest, si je dis pas de bêtises, ils devaient être sur l'affiche et finalement on n'y avait pas été. Ouais, on n'y a pas fait le déplacement et puis ils ont leur dernière tournée européenne, ils étaient avec je sais plus qui, voilà. Pas possible de croiser le calendrier et de s'y rendre. Mais on y arrivera. Ils ont quand même la réputation que sur scène, c'est exactement comme sur album, ça respire zéro, c'est absolument violent. Un peu un set à la Revenge dans le style. Super. Voilà. On s'écoute une seconde illustration de Vitriol pour clôturer ce focus. Ouais, Flood of Predation, zéro cordialité. Prenez une grande bouffée d'oxygène avant, parce que ça va être un peu violent. C'est parti, Vitriol. Yeah. La suite de l'émission de ce soir, tout d'abord Spectral Voice, bah, que d'ailleurs on ne va pas s'écouter en doublette. Spectral Voice, c'est l'entité parallèle que l'on retrouve un peu aux côtés de Blood Incantation, hein, le groupe de spatial death metal américain. Spectral Voice, c'est les trois quarts du line-up que l'on retrouve en similitude. Sparagmos, c'est ça. C'est le nom de ce second effort studio. On est sur du Doom Death avec des titres très longs, hein, 45 minutes pour 4 morceaux. Le titre de ce soir, Red Fist Condense Into One. On va s'écouter quasiment en entier. Il y a un petit editing qui a été fait pour qu'il tienne en une dizaine de minutes. Voilà, Spectral Voice, une très très grosse sortie qui était particulièrement attendue chez Dark Descent Records. C'est parti. We'll be right back. 20h52 à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est l'heure d'attaquer l'aspect française avec une petite sélection de groupes venus des 5 coins de l'Hexagone. Avec tout d'abord Necrowatch qui sort son nouvel effort studio. Necrowatch au passage qui sera en concert au Mans dans une paire de semaines. Les infos sont facilement trouvables sur internet. Ça fait... c'était la 11e année que Necrowatch avait sorti son premier effort studio, Putrid Death Sorcery. Une pièce fabuleuse, With Serpent Scourge, qui était sorti en 2015. Pareil, le groupe très prolifique, un album tous les 2 à 3 ans. Et là, ils nous sortent Swords of Dajjal, pardon, cinquième effort studio du groupe, qui là, du coup, va aborder la partie satanique de la religion musulmane. Voilà, 37 minutes d'un putrid death ultra viscéral et colérique, un titre instrumental en quasi-clôture de l'album, une réussite totale ce nouvel effort studio de Necrowatch comme ils nous y ont bien habitués, une sortie Season of Mist. En doublette, nous aurons les Nantais de 20 Second Falling Man, groupe de post-metal qui nous sort son nouvel effort studio intitulé Resilience. Voilà. Post-metal avec des intentions un peu plus post-hardcore dans les lignes vocales. On s'écoutera le titre Our Life Is Now et Necrowatch, on s'écoutera le titre de l'album Sword of Dajjal. C'est parti.